getting down. Get together day and night. Every effort's a time. On a trip will make you a guest. Bridging out together, man. Ride on, brother, ride on, man. Together, sister, shake her. Ride on, brother, ride on, man. Together, sister, shake her. Been digging the scenes all over town. Many, many people miling round. Get together, day and night. Every airport's a time. On a trip we make you again. Bridge and I together, man. Ride on, brother, ride on, man. Together, sister, shake her hand. Ride on, brother, ride on, man. Together, sister, shake her hand. Many people getting down. Get together day and night. Every hair cuts up high. On a trip will make you again. Bridging out together, man. Ride on, brother, ride on, man. Together, sister, shake her hand. Ride on, brother, ride on, man. Together, sister, shake her hand. Ride on, brother, ride on, man. Together, sister, shake a hand. Ride on, brother, ride on, man. Together, sister, shake a hand. All over the land. We'll be right back. Mettez la main au triple coup à bas mon comme c'est la main au vite talon la forme en triangle tête en bas c'est la force des 4 fois 3 égale 12 et puis moins pas mandez moi l'or pas mandez moi l'argent pas mandez moi diamant mais cherchez manière pour bas moins plus place pour bas plus sens si comprendre science tambour. C'est quand mon capé à l'action, sans dit dans le boyau, mon capé traversé chaque coup. Et mon pèse au bon pour sincère. Mon capé au la vie et puis l'esprit, mon capé au croisé la nuit, grand jour en plein midi. Tire chimizou, mettons en l'autre chaud, mon fils. Oula sous moi, joue encore. D'autres lumières pour venir. Pas au cul, pas au petit bras. On nous joue, pas mon nom qui fait la vie en 7 milliards en l'année. Grand homme levé, grand homme parlé. Parlez ça pour qui nous paganons. Grand homme levé, grand homme parlé. Parlez ça pour qui nous paganons. Grand homme levé, grand homme parlé. Parlez ça pour qui nous paganons. Grand homme levé, grand homme parlé. Parlez ça pour qui nous paganons. Grand homme levé, grand homme parlé. Parlez ça pour qui nous paganons. Grand homme levé, grand homme parlé. Parlez ça pour qui nous paganons. Grand homme levé, grand homme parlé. Parlez ça pour qui nous paganons. garçon, les mystères c'est moi. Mettez-moi en côté mon sentiment bien, couvrez-moi, chauffez-moi, respectez-moi. La presse au pain corps, là nous cas joindre pour nous parler. Mais lavez cœur, lavez l'idée, lavez l'angoût et puis vini. Pas vini à Satan, pas vini et puis tout, mais vini franchement. Dans que fait du un instrument. Pas sans nègre et puis en tambour, c'est jamais descend toi. Ma ka pèse misère compte, ma ka basse moi les. Pouvoir. Connaissance. Intelligence. Moi, tambour m'a déclaré, oui, mon attend tambour aussi. Mon awale à la ho, mon awale à la ho, mon awale à la ho, mon awale à la ho, mon awale à la ho, mon awale à la ho, mon awale à la ho, mon awale à la ho, mon awale à la ho, mon awale à la ho, mon awale à la ho, mon awale à la ho, mon awale à la ho. Vous venez léger, mais fort, lettre, mais puissant. Vous criez. Vous levez enragé, mais pas méchant. Vous sentez étrange, mais pas fou. Vous sentez visité, mais pas agressé. Vous sentez ou solide, oui, solide. Les vibres, le tambour arrive en l'eau. C'est force, c'est force. C'est manifestation, c'est force. C'est force, c'est manifestation. Et si mambé, et si mambé, et si mambé, et si mambé, et si mambé, et si mambé. Merci, bon Dieu, mon chame, wall moi. Et si mambé, merci, bon Dieu. Merci, bon Dieu, mon chame, wall moi. Si mambé, merci, bon Dieu. Merci, bon Dieu, mon chame, wall moi. Si mambé, merci, bon Dieu. Oui, je suis pas mal de vous mettre loin. Si mambé, merci, bon Dieu. Ma belle, la langue qui mène à moi, bao. Si mambé, merci, bon Dieu. Ma langue, comme moi, mène à ma papa. Si mambé, merci, bon Dieu. Si bon Dieu, merci bon Dieu. C'est pour l'on n'y pas ouais tout pour moi. Si bon Dieu, merci bon Dieu. Mon père son âge est dit quoi, il dit oui. Si bon Dieu, merci bon Dieu. Chantez, chantez, j'ai dit quoi, il dit oui. Si bon Dieu, merci bon Dieu. À nous chantez, j'ai dit quoi, il dit oui. Si bon Dieu, merci bon Dieu. Voyez pour l'aller dit quoi, il dit oui. Si bon Dieu, merci bon Dieu. Et si bon Dieu, merci bon Dieu. Si bon Dieu, merci bon Dieu. Et si bon Dieu, merci bon Dieu. Merci bon